comme une partie de cartes, tu reçois ton jeu. La donne est faite, n'y a-t-il plus d'enjeu? Celui qui a les as se gonfle d'ego, mais on peut lui faire face, ne pas rester sur le carreau. La vie est un grand jeu, gagner ou perdre n'est pas la question, mais juste faire de son mieux, en respectant les autres, choisir sa direction. Si tu crois que tu n'as aucune chance de remporter la partie, ou bien que tu t'en balances, alors mets-toi accroupi. Regarde bien dans l'herbe, ou bien caché dans ta manche. Si tu comptes sur la chance, espère un atout trèfle. La vie est un grand jeu, gagner ou perdre n'est pas la question, mais juste faire de son mieux, en respectant les autres, choisir sa direction. Y'a ceux qui jaloux et aigris n'avoir que des 7 et des 8, en veulent à celui qui coupe ou celui qui distribue. Pour eux, pas de stratégie, ils misent sur la critique. Alors comme dans la vie, ils sortent leur atout pic. Mais la vie est un grand jeu, gagner ou perdre n'est pas la question, mais juste faire de son mieux, en respectant les autres, choisir sa direction. J'ai choisi l'autre option. Moi je veux qu'on soit pour se partager les pions. Oui, je suis pour l'amour. Dites-moi si je me trompe, si je fais erreur, même avec un mauvais jeu, je prendrai toujours l'atout cœur. La vie est un grand jeu, gagner ou perdre n'est pas la question, mais juste faire de son mieux, en respectant les autres, choisir sa direction. La vie est un grand jeu, gagner ou perdre n'est pas la question, mais juste faire de son mieux, en respectant les autres, choisir sa direction.